l'abcès, à mon cœur je bloque l'accès. Je sais que la vie est dure mais je fais avec et je l'accepte. Sans me soumettre, tous les soirs faut que je me mette sous. Le manque de sous et les soucis me rendent sourd muet. Mais rien d'insurmontable, j'assure mon taf. Faut le pleurer sur mon cas, les choses futiles passent au-dessus de mon crâne. Un quart de siècle sur terre, natif de la banlieue SUD. C'est par sûreté que je mets les barres sur le T. J'ai fait le deuil de ma gentillesse, tu vois le dièse. Ici y'a plus de gens qui meurent que de gens qui naissent. Là où j'habite, l'hypocrisie fait son gagne-pain. J'ai juste à ouvrir ma fenêtre pour remplir mon calepin. Un tas de types s'y retrouve dans ma tracklist. Chez moi l'amitié s'achète à un prix très attractif. En temps de crise, trop de hanches d'envie. Je les comprendrai jamais comme ceux qui font saut de hanche dans le vide. J'ai le sourire du Joker, mais trop de choses en moi qui pourraient être choquées. Je suis bloqué au rez-de-chaussée. Quelle vinasse entre les frères qui tombent à fleurir, les tombent à fleurir. J'attends le bouquet final. Je suis le bouquet mystère de cet état jugé coupable, mais je suis innocent comme quand j'étais le téton. Il était temps que je me livre, que je change de rive. Vu que les anges m'ont dit que j'étais un ange maudit, je suis vert saché. J'ai pas besoin de vendre des sachets de verte pour me saper en Versace. Ici faut du bif pour qu'on t'estime sans fausse modestie. Je manie la langue de Molière et les mots de Daisy. Peu de vocabulaire, frère, j'suis ni langue grammaire. Au lieu d'aller en cours, j'préférais vendre des grammes d'air. Dernière phase, la dédicace Zorro. J'vous parle Zorro, moi j'parle le langage des Zorro. Ma mère, ma mère, te demande pas quelle forme ma mère. J'suis venu vendre ma mère, j'fais ses yeux que devant ma mère. Ma mère, j'enfile les charpes et puis les chattes. J'dédicace à mes tolards, Kamel Merkona, puis les chams.